بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ندخل كذلك في باب آخر، وهو باب حكم ستر أحد عاتقين في الصلاة، qui est le jugement justement de couvrir une de ses épaules lors de la salat. يقول في الحديث الثالث عشر بعد المئة، qui est le 113e hadith. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. Selon Abu Huraira, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que aucun d'entre vous ne fasse sa salat dans un seul vêtement qui ne recouvre pas ses deux épaules, ou qu'il n'y a rien qui recouvre son épaule. Son épaule. يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين le rapporteur c'est أبو هريرة عبد الرحمن المستخر على الصحيح. موضوع الحديث le sujet du hadith بيان حكم كشف العاتق في الصلاة. Maintenant qu'en est-il de laisser apparaître une épaule durant la salat? Est-ce que cela annule? Est-ce que cela est valide? Est-ce que cela est détestable? Est-ce que cela est recommandé? Voici le jugement qui arrive. يقول في شرح الإجمالي explication globale du hadith يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى أو يصلي الإنسان بثوب واحد ولا يجعل على عاتقيه منه شيئا وذلك من أجل تكميل الزينة واتقاء تعري عالي الجسم. Donc Abu Huraira dans ce hadith informe que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit à la personne de faire la salat dans un seul vêtement en ayant les épaules découvertes. Et pourquoi cela? En but justement que sa salat soit plus complète et afin d'éviter que la partie supérieure de son corps ne soit dénudée. C'est-à-dire que prier de cette façon-là, cela justement ne coordonne pas avec la parure que l'on doit avoir dans la salat, car comme قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ou les fils d'Adam prenez votre parure dans tous les messages. Et le verset a été descendu pour dire que lorsqu'on fait la salat, il faut que l'on soit que l'on cache nos parties intimes, et ça la parure. Ce qui ne veut pas dire forcément avoir des beaux vêtements, mais ce qui veut dire de couvrir les parties intimes. À savoir que les épaules n'en font pas partie. Les épaules, ce n'est pas une aura. La aura, on l'avait expliqué auparavant, c'est ce qu'il y a à partir de... La aura qui est, on va dire, légère, c'est celle qui est des genoux jusque au nombril. Et la aura qui, elle, est plus stricte, qui, elle, vraiment, est celle qui ne doit pas être découverte, c'est à partir de la moitié des cuisses jusqu'à la partie qui est en bas du ventre. Ça, c'est al-rawra al-mughallaza. Donc, les épaules n'en font pas partie. Yaqul fi fawaid al-hadith. An-nahi an kashfi al-atiqayn fi salati. لمنافتهِ لكمال الزينة المأمور باتخاذها في الصلاة. Donc l'interdiction justement de découvrir les épaules dans la salat, car cela s'oppose justement à la perfection de la parure qui était ordonnée d'avoir lors de la salat. ومحل ذلك إن كان الثوب يتسع لسترهما وإلا فلا أباس لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف به. Donc il a dit, maintenant, c'est dans quelle situation ça? C'est dans la situation où le vêtement serait assez large pour pouvoir justement recouvrir les épaules. Donc si jamais le vêtement est assez large pour cela, il n'est pas permis de délaisser les épaules découvertes. Par contre, il dit, si jamais on ne peut pas, le vêtement n'est pas assez large, par exemple une personne, elle, la salat, elle n'a qu'un seul vêtement qui ne recouvre pas tout son corps. Alors le Nabi Sallam l'a dit que si jamais le vêtement est large, alors recouvre-toi avec, et s'il ne l'est pas, alors couvre avec ta partie intérieure, c'est-à-dire comme un pagne. Ce qui prouve que la salate torse nu est valide quand on n'a pas le choix. Mais tant qu'on peut se permettre de couvrir le torse et les épaules et tout cela, alors cela, il faut le faire. Cela est meilleur. Thaniyan, jawaz as-salati fi thawb al-wahid idha satara ma yajib sitru. Qu'il est permis de faire la salade dans un seul vêtement si celui-ci recouvre ce qui doit être obligatoirement recouvert. Thalithan, jawaz as-salati fi thawbayn ahaduhuma yasturu a'la al-jism wa thani yasturu asfala. Et qu'il est permis de faire la salade dans deux vêtements, dont un recouvre la partie inférieure et l'autre la partie supérieure du corps. Donc, à ce qu'il y a à retenir, c'est que celui qui a un vêtement lui suffisant, il lui est obligatoire de couvrir ses épaules. Et celui qui ne peut pas, alors il peut faire la salade sans le faire. Ce qui prouve que l'obligation là, ici, c'est un côté de recommandation. Ça veut dire que celui qui fait la salade avec les épaules découvertes, la salade reste valide. Même s'il a un vêtement qui lui suffit à recouvrir les épaules, sa salade reste quand même valide car ses épaules ne sont pas une partie de sa rawra qui doit être impérativement couverte. Naam. Hadha allazi khadna min al-hadith al-yawm. Walhamdulillahi rabbil alamin.